Les nuits de France Culture, suite de la nuit spéciale Hergé et journal Tintin. Nuit commencée avec Jérôme Neutre, commissaire de l'exposition Hergé au Grand Palais, Galerie Nationale à Paris, et qui nous voit suivre les aventures de Tintin au Tibet, épisode après épisode, mais aussi entendre Hergé lui-même au micro de Michel Cédric, rencontrer Gauthier Van Merbeek, directeur éditorial du Lombard, maison d'édition qui historiquement publie en album les aventures de la plupart des personnages qui sont nés dans le journal Tintin. Et c'est le cas du petit Corentin Feldoé. Alors c'est un petit breton orphelin qui rêve de partir vers des îles lointaines, plus ou moins accueillantes, plus ou moins désertes, plus ou moins peuplées, plus ou moins dangereuses. Et Paul Cuvelier fut le créateur de Corentin dans le journal, donc dans le numéro 1 du journal Tintin. Et vous, Christophe Simon. Bonsoir Christophe Simon. Bonsoir Vimiard. Vous êtes le digne, très talentueux continuateur de ces aventures de Corentin, puisque est paru récemment un album, Corentin, les trois perles de Saskia, un scénario de Jean Van Ham. Corentin est à vous désormais. Ça, c'est peut-être un grand mot, mais disons que là, vous me flattez, mais Corentin, c'est, je l'ai découvert que j'avais 7-8 ans, donc dans les années 80, grâce à mon grand-père, et c'était une révélation pour moi. C'est en découvrant ce petit breton que j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. Parce qu'il y avait justement dans le dessin de Cuvelier à la fois cette tradition de ce qu'on appelle l'école de Bruxelles dans le récit, et en même temps il y avait un académisme dans le dessin de Cuvelier qui rappelait les peintres pompiers, Gustave Doré et toutes ces choses que j'aimais déjà alors que j'étais enfant, quoi. Et alors, vous l'avez lu dans le... C'est pas le journal Tintin, parce qu'il y a eu, comme tout le temps, les avatars des personnages, ils apparaissent. Alors, Corentin apparaît dans le numéro 1, mais c'est en Belgique, vous êtes belge. Oui, mais oui, pour oui. Les Français le découvrent un peu plus tard, on en a parlé... 2 ans plus tard, voilà, je pense. Hein, avec Gauthier Van Merbeek tout à l'heure, précédemment. Il a évolué graphiquement, ce personnage. Parce que quand on voit tel qu'il est aujourd'hui, grâce à vous, mais... à l'imitation de Paul Cuvelier, bien entendu. Et quand on voit la première page qui est reproduite dans le gros album pour les 70 ans du journal Tintin, enfin de la naissance du journal Tintin, on voit qu'il y a eu, de la part de Cuvelier, un travail extraordinaire, enfin une évolution vers justement la grande qualité Cuvelier. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Cuvelier a fait finalement assez peu d'albums de bande dessinée, donc ils sortaient tous avec quelques années d'écart. C'était, à côté de ça, quelqu'un qui dessinait beaucoup, qui peignait beaucoup, il était obsédé du trait. Et donc, chaque album a un petit peu son propre style. Donc, dans le cadre de la reprise, bah, contrairement, par exemple, à Alix, sur lequel j'avais travaillé précédemment, où là, il y a un style bien défini, pour Cuvelier, c'est pas le cas. Parce que chaque album a un peu son propre style. Parfois même, dans un même album, Paul Cuvelier changeait de technique parce qu'il était tout le temps à la recherche de... Enfin, il cherchait constamment à s'améliorer, à faire de nouvelles expériences graphiques. Et donc, bah, ici, c'était plutôt une synthèse des différents styles, entre guillemets, de Cuvelier, dans Corentin, qu'il a fallu travailler, quoi. Alors, les éditions du Lombard ont grandement raison de faire appel à vous pour donner vie, suite et à ce jeune breton. On sait qu'il a, enfin, on sait, les lecteurs des albums, du premier album, Paul Cuvelier, savent que ce petit garçon, enfin, bon, il semble avoir 7, 10, 11, 12, 14 ans, on ne sait pas trop, il évolue. Oui, au début, il a 10, 12 ans, et puis il évolue. Voilà, oui, parce qu'il va quitter la Bretagne. Vous vous souvenez donc quand même de ce qui lui arrive dans les premières planches? Oui, bien sûr. Alors, que se passe-t-il? Il a un oncle méchant? Voilà, il a un oncle alcoolique qui est violent avec lui, et donc Corentin se sauve. Il échappe aux griffes de cet oncle tyrannique et alcoolique, et il s'embarque clandestinement sur un bateau, et puis là... La grande aventure commence, puisqu'ils sont attaqués par des pirates, puis ils échouent sur des îles improbables au large de l'Afrique. Et puis là, ils rencontrent le tigre Moloch et le gorille Belzébuth. Ils sont très gentils avec lui. Ils sont très gentils avec lui, oui. Puis après, il arrive en Inde, où il rencontre qui. Mais finalement, les personnages de la série sont déjà là dans le premier album. Quoi. La princesse Saskia, le Raja de Sampur... Alors ça, on est quand même dans le grand roman feuilleton 18e, 19e, c'est-à-dire le départ du jeune enfant qui va affronter tous les périls les plus extraordinaires. C'est vrai qu'il s'installe en Inde et j'ai lu je sais pas si c'est dans l'album ou en tout cas un article sur vous, Christophe Simon, disant que vous étiez allé en Inde pour faire des repérages, et parce que évidemment, puisque tout se passe en Inde, les trois perles de Saskia, le dernier album Corentin, il faut quand même que vous soyez vraiment au top de votre connaissance graphique. Voilà, il y a eu plusieurs raisons à ce voyage en Inde. C'est d'abord depuis que j'ai 8 ans, je relis chaque année l'œuvre de Cuvelier, donc j'avais envie de découvrir l'Inde. Et donc, je m'étais promis, si ce projet pouvait se réaliser, d'aller en Inde, mais il y avait un côté presque initiatique. C'était aussi une nécessité pour la documentation, vu que, sans doute un héritage de mon passage chez Jacques Martin, pour avoir une certaine rigueur dans les décors et recréer une Inde crédible. Et donc, la justification de ce voyage en Inde et ce repérage. Et alors, on a fait ça avec des amis qui avaient l'habitude du pays. Donc, on a fait ça sac à dos, en dormant chez l'habitant. Et donc, ça a vraiment été une immersion totale. Photographie, oui. Mon compagnon qui a réalisé, Alexandre Carpentier, qui a réalisé les couleurs de l'album, a pris 7800 photos. Donc ça, c'est l'avantage du numérique aussi, c'est qu'on peut on peut se permettre d'être gourmand. Alors donc, Corentin est fixé graphiquement. Là, dans l'album, je ne lui vois pas de variation, étonnante. Enfin, il est toujours le même très beau jeune garçon, avec l'Inde mystérieuse, bien entendu, dangereuse, évidemment. Des méchants, sinon il n'y aurait pas d'aventure. Une jeune fille très belle aussi, un compagnon, Kim, qui est le compagnon finalement de tous les personnages de bande dessinée. On est à la fois dans les stéréotypes, bande dessinée et puis roman pour enfants, et en même temps dans quelque chose de totalement original, un monde qui fait qu'on a envie tout le temps à connaître ces aventures, les relire les anciens albums. Mais c'était ce qu'il y avait le petit plus pour moi, de Cuvelier, c'est qu'il y avait ce côté merveilleux qu'il n'y avait pas nécessairement dans les autres séries. Justement par cet exotisme, par cette Inde, mais qui est une Inde un peu fantasmée. Ce n'est pas, elle a quelque chose de, elle tient autant de Kipling. C'est pas l'Inde réaliste, misérabiliste comme on pourrait l'aborder aussi. C'est l'Inde de Corentin, quoi. Alors c'est l'Inde de Corentin, mais avec des maharajas rivaux, bien entendu, avec des méchants. On l'a dit. Corentin, quelles sont ses qualités les plus... Vous dites qu'il est un des personnages parle de lui comme un jeune fou impétueux. Mais il a l'air pourtant très réfléchi. Il est très réfléchi, mais en même temps, contrairement à d'autres personnages de bande dessinée contemporaine à Corentin, qui sont très lisses, très parfaits, Corentin a quand même du tempérament. Je vais pas dévoiler l'histoire, mais... Non, vous pouvez parler des 10 premières pages. Les 10 premières pages, mais je vais dire, il tient tête au Raja, c'est un garçon qui était pris de liberté, il y a un petit côté Gavroche chez Corentin. Il y a ce côté très, très libre, oui, et puis parfois, il prend des décisions, puis il le regrette après en se traitant de jeune imbécile, comment ai-je pu m'embarquer là-dedans? Donc il y a un côté très naturel chez Corentin. Oui, à l'intérieur même de cette aventure, c'est vrai que il refuse une proposition qu'il pourrait ne pas refuser, c'est-à-dire devenir finalement le successeur du Maharaja, mais... Il a ses raisons, sans doute. Il quitte le luxe, la richesse, l'affection du Maharaja. Il part un peu dans la campagne, si on peut appeler ça la campagne, qui est dangereuse. Puis il revient. C'est-à-dire qu'il y a des va-et-vient aussi du scénario, comme ça, on n'est pas... C'est pas si linéaire. Quand il part, c'est pour réfléchir, parce que, il a pris sa décision, mais il se donne quand même le temps de la réflexion, mais sa décision est prise. C'est sa liberté d'abord. Alors, ça n'a pas été pré-publié dans une revue, Christophe Simon. Cet album-ci était pré-publié dans L'Immanquable. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y allait en bas de page un suspense chaque fois terrible. C'est-à-dire quand ça apparaissait dans le journal Tintin à partir de 1946, quand on relit tous les albums, et que c'est vrai pour même pour les aventures de Tintin, en tout cas pour Alix, pour Black et Mortimer, la dernière case terminant la livraison de la semaine, elle est censée nous laisser en haleine. Mais ce qu'il y a, c'est que oui, la prépublication à l'époque, c'était un hebdomadaire, donc ça apparaissait chaque semaine, donc il y avait chaque fois deux pages. Le principe des hebdomadaires, ça je vous confirme. Et donc, il fallait maintenir chaque semaine le lecteur en haleine. Quand on dit qu'ici, par exemple, dans le cadre de la prépublication ici, dans l'Immanquable, il est sorti en trois fois, donc le nombre de pages était beaucoup plus, c'était chaque fois 15-20 pages, et donc il n'y avait pas à tenir toutes les deux pages le lecteur en haleine. Mais ça faisait partie de l'excitation des petits garçons et des petites filles qui lisaient le journal de Tintin. Ah oui, et là par exemple, c'était les spéculations dans les cours de récréation pour savoir qu'est-ce qu'il allait se passer la semaine prochaine. Et vous parliez, Christophe Simon, de votre grand-père qui vous a fait découvrir Corentin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'avait lu dans le journal de Tintin. Mon grand-père lisait le journal de Tintin. Il lisait aussi des BD américaines comme les Tarzan de Hogarth ou Foster. Et c'est lui qui m'a initié au dessin et à toutes ces belles choses. Alors donc, il vous a parlé de Corentin. Vous savez s'il était lecteur du premier numéro du journal de Tintin? C'est possible, ça, chronologiquement? Chronologiquement, c'est tout à fait possible. Maintenant, malheureusement, il est décédé, j'avais 11 ans. Donc, nos conversations autour de la BD, on n'a pas eu l'occasion de... Vous n'avez pas retrouvé dans un grenier la collection complète de... Pas la collection complète, non. Mais comme à l'époque, il travaillait à Bruxelles, et que la semaine... Il n'était pas chez lui, mais plutôt à Bruxelles. Et comme il habitait en province, à l'époque, les moyens de transport étant encore plus compliqués que maintenant, c'était... Il y avait quelques reliures de journaux Tintin, mais pas les fascicules en première édition. Mais alors, vous, est-ce que Christophe Simon, donc vous avez découvert la bande dessinée vers quel âge? Donc, alors, si votre grand-père vous en a parlé et vous a initié à cette art. J'ai découvert la bande dessinée... Même un peu plus jeune, quand j'avais 4-5 ans, où là c'est mon père qui me lisait pour m'endormir les histoires d'Astérix ou de Tintin, qui étaient les lectures de mon père. Et puis... Quels albums, vous vous souvenez, des plus extraordinaires, les plus inquiétants? Le premier Tintin que j'ai lu, c'était... Enfin, qu'on m'a lu plutôt, puisque j'avais 4 ans, 4-5 ans, et c'était L'oreille cassée de Tintin. Ça commence à et Astérix chez Cléopâtre. Voilà. Ah voilà, c'est moins inquiétant quand même que L'oreille cassée. Voilà. Et puis alors, c'est mon grand-père me voyant lire ça. Entre temps, avec mes parents, on voyageait pas mal. On allait en Italie, en Venise, Naples. Et puis là, à l'époque, j'étais amoureux de la peinture religieuse. J'adorais le Titien. Et mon grand-père qui, voyant ça, à 6 ans, je revenais avec des bouquins de musée, donc des bouquins de peinture. Et mon grand-père qui m'avait appris à tenir un crayon, et donc quand j'étais petit, il me dessinait Blanche-Neige, les Sept Nains, plein de choses, et donc je cherchais à l'imiter. Donc en fait, ma mère dit toujours que je dessinais avant d'écrire. Et donc quand j'ai eu 7-8 ans, mon grand-père venait à la maison. Il habitait à 50 mètres, donc on se voyait tous les jours. Et puis il était revenu avec les albums de Corentin en me disant. Faut que tu lises ça, tu vas aimer. Et il s'était pas trompé. Qu'est-ce qui est si fascinant dans la vie de Corentin? Ce côté décalé, puis ce graphisme qui, finalement, très proche de la peinture, très pictural. Il y avait aussi le personnage, ce petit blond avec ses cheveux longs. À l'époque, j'ai découvert aussi Sans Famille et Hector Malot. Et donc, il y avait quand même un parallèle entre les deux personnages. Rémi. Et voilà. Et donc, quand j'avais 7-8 ans, début des années 80, ça se faisait. Je portais les cheveux longs, qui étaient blonds, et je m'identifiais tout à fait à Corentin. J'avais un chat qui était Moloch, et j'avais un gros caniche noir qui était Belzébuth. Ah oui, en effet, Christophe Simon, là, vous êtes vraiment tombé dans l'histoire, dans l'univers de Corentin, et je comprends la qualité de l'album, parce que c'est vraiment le personnage qui vous préférez peut-être de la bande dessinée, dont vous n'êtes pas l'auteur du scénario. Oui, j'aime beaucoup de choses en BD, sinon je ne ferais pas ce métier, mais Cuvelier a pour moi toujours une place à part. En tout cas, vous le malmenez un petit peu, ce Corentin, parce que, évidemment, qui dit aventure dit mésaventure. Et donc, évidemment, il est à un moment donné, vous l'abandonnez sur une colonne oui. qui est au-dessus de la fosse au serpent, au cobra, bien entendu. Alors, il est quasiment nu. Il passe 3 jours et 3 nuits sans bouger, sans eau, sans être alimenté, bien entendu, et avec sa petite peau de blond breton, il aurait dû mourir, non ? Ailleurs que dans une bande dessinée signée oui. Christophe Simon et Jean Van Hamme. Et Jean Van Hamme, oui, parce que c'est Jean qui lui a infligé ce supplice. Il s'en sort bien. Enfin, trois jours, ça n'a pas l'air de... Le soleil de l'Inde doit être finalement... Oui, oui, je confirme. Mais ça, c'est la magie de la bande dessinée. C'est que, voilà. Et puis la rage de vivre de Corentin, que les Indiens ont du mal à comprendre. Quel âge a-t-il alors dans votre album ? Dans mon album, je dirais 15-16 ans. C'est un peu l'âge des personnages, des collections Signes de Piste, voilà. des romans scouts. Quoi. C'est, voilà. la beauté, l'impétueux. Enfin voilà, ils font tout. Ils ont des amis, ils ont des histoires formidables et tout leur réussit. Voilà. Et l'identification se fait alors chez les jeunes lecteurs. Ce sont des jeunes lecteurs qui ont découvert cet album, vous pensez ou des... Mais je suis étonné. Enfin, le seul contact que j'ai, c'est lors des séances de dédicaces. Alors au début, je me dis, je vais voir arriver des gens qui ont 70 ans et qui sont des nostalgiques. Il y en a bien sûr, et puis tant mieux, parce que ça veut dire que si ça peut, enfin si les lecteurs de la première heure de Corentin ont pu retrouver les émotions qu'ils ont eues en lisant les albums de Cuvelier dans ce Corentin, ben j'en suis très heureux. Mais je suis étonné de voir qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui viennent me voir en dédicace, des gens qui ont bon soit la quarantaine, la trente-quarantaine, et puis même des plus jeunes. Donc ça me flatte, parce que si ça peut si ce monde merveilleux de Corentin peut continuer à marquer l'imagination des plus jeunes, c'est très bien. Il y a d'autres personnages. Flamme d'argent, c'est aussi une création de Paul Cuvelier avec un scénario de Greg, je crois. Enfin, peut-être pas toujours de Greg, mais on était loin de Corentin Feldoy. Vous avez envie de vous attaquer aux autres personnages comme ça de Paul Cuvelier, des personnages créés également dans le journal Tintin. Mais disons que le personnage de Corentin est le plus emblématique et celui qui m'attire le plus, même si j'ai lu et re-relu les Flammes d'argent, les Lines. Wapi, qui était un petit indien récit qui paraissait dans le journal Tintin. Mais là, oui, je pense qu'il y a eu une vingtaine de pages d'un premier récit, et puis un court récit de 8 pages d'un deuxième épisode. Mais Corentin a un peu votre préférence. Ma préférence. On a compris. Que peut-il lui arriver désormais ? Je crois que dans un des albums de Paul Cuvelier, il est revenu en Bretagne. En Bretagne. Oui, dans Le Poignard Magique. Et si, avec le scénariste, l'immense scénariste qui est Jean Van Hamme. Vous prononcez Jean Van Hamme ? Jean Van Hamme. Van Hamme, je prononce mal. Oui. Où aimeriez-vous qu'il se promène ? Ah là, ben, disons que la question ne s'est pas encore posée. Si elle se posait, ben, disons que ce serait bien, vu que Corentin a envie de voyager, de le faire voyager, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Oui, j'aimerais bien qu'il retourne en Chine, par exemple, comme dans les nouvelles aventures de Corentin, voir ce qu'il est arrivé au prince Song et si Chang est toujours bien mort. Pourquoi pas voir Corentin à Venise aussi, ce serait pas mal. Venise qui, à l'époque, est quand même... il se passe plein de choses, plein d'échanges. Une cité multiculturelle où transite la soie et toutes ces matières précieuses qui viennent d'Orient. Donc ça pourrait justifier, enfin on peut... L'avantage de Corentin, c'est qu'il y a eu très peu d'albums. Parce que si on retire Corentin chez les Peaux Rouges, qui est un western, et où le Corentin, entre guillemets, est le petit-fils de Corentin Feldoé, qui nous occupe ici, Cuvelier n'a réalisé que 6 albums. Donc voilà, il est libre pour partir là où vous souhaitez. Il y a un côté un peu inachevé par rapport à d'autres séries contemporaines de Corentin. On n'a pas dit d'ailleurs à quelle époque se passaient les aventures de Corentin. Deuxième moitié du XVIIIe siècle. Bien. Merci Christophe Simon. Donc Corentin, les 3 perles de Saskia, c'est publié aux éditions du Lombard. Et c'est cet album magnifique aujourd'hui, qui est le digne héritier, je vous ai dit, de Paul Cuvelier. Et l'album, et vous, et le scénariste. Donc on en attend d'autres. En tout cas, on lit déjà et on relit Corentin et les trois perles de Saskia, publié aux éditions du Lombard. Merci Christophe Simon. Et nous, on continue avec un autre jeune personnage qui est peut-être à peu près le même âge, un peu plus âgé quand même, Tintin au Tibet. Merci.